Salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio. En ouverture, le groupe Boston, pour se redonner un petit peu de gaieté dans cette période morose. Boston avec son album Don't Look Back et le morceau Feeling Satisfied, de quoi envoyer un week-end sur les chapeaux de roue. Alors c'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio. On devrait avoir pas mal de bonnes nouveautés, de trucs super cool dans tous les styles de rock, de hard rock et de metal. Et ce sera pour débuter l'émission Revolution Saints, le groupe de Dean Castronovo, batteur dans Journey, également chanteur dans ce projet. Et on retrouvait sur les premiers albums de Revolution Saints d'anciens guitaristes de Dio. Il me semble même qu'il y avait Jimmy Bain quand il était encore présent à la basse. Maintenant, remaniement, changement, on retrouve Joel Orchestra qu'on a vu du côté de Whitesnake ces dernières années. Il a remplacé Doug Aldrich au sein de Whitesnake et puis également au sein du Trans-Siberian Orchestra pour les amateurs de musique de Noël. Et s'il nous sort un superbe album de hard rock, ce sera Eagle Flight par Revolution Saints, de quoi lancer Overdrive de la meilleure des façons. We'll be right back. Yes, Revolution Saints avec Eagle Flight. Tout de suite, vous écoutez toujours Overdrive Radio Duo. Il est 21h, passé de 42 minutes. Pour ceux qui nous écoutent ce soir uniquement sur le streaming ou alors en podcast. Voilà, on va passer maintenant avec un hommage. Le père David Crosby nous a quitté cette semaine, 81 ans. Il nous laisse comme héritage, bien sûr, sa longue carrière musicale, mais également son fils qui officie au sein de la section rythmique du Tyler Brank and the Shakedown, cet excellent trio de classic rock américain, Tyler Bryant, la guitare et au chant, avec également Graham Whitford, le fils de Brad Whitford, guitariste de Aerosmith. Ils nous ont sorti plusieurs brûlots d'excellents classic rock que je recommande à tout le monde, et on va passer, alors il me semble que c'est le dernier ou l'avant-dernier album du groupe sorti à la pire période pour sortir de la musique, c'est-à-dire 2020, passé bien entendu inaperçu. Néanmoins, on retrouve pas mal de petites pépites comme ce Hitchhiker qu'on envoie tout de suite en pli de slide guitar qui fait plaisir en tendre. Tyler Bryant est le fils de David Crosby, c'est sur Overdrive avec Hitchhiker. Thank you. there, leading back through centuries. I feel connections like the roots below the trees. Whatever tells me, I know you from before. It feels like dying was just another door. I never care for the stories to tell. I never thought about heaven and hell. I just remember a life in the past, a life that I lost. The cycle. Reincarnation, saved from the dead. The cycle. Reincarnation, life takes us back. We'll be forever, endless as the cycle. Reincarnation, my soul won't die. Watch me fly. Time I wasn't born. My life a fraction of a unity that's torn. It all reminds me that there is more than this. Signs over time now that I just can't dismiss. Yes, vous venez d'entendre le groupe Beyond the Black tout de suite dans Overdrive Radio Duo avec cet album sorti sur Nuclear Blast dans un style plus metal, on va dire mélodique, mais ce sera Beyond the Black que vous venez d'entendre. On va continuer maintenant toujours dans Overdrive avec le groupe Transatlantique qui nous sort un album live enregistré du côté de Paris. Et d'ailleurs, la captation, l'enregistrement live sorti en CD, DVD, Blu-ray, tout ce que vous voulez, a vu, bien entendu, un article du magazine Rock Hard en parler en détail. Ils étaient présents, bien entendu, lors de la soirée. On continue avec le groupe Transatlantique, toujours Mike Portnoy, Neil Morse, des musiciens également de Flower Kings et de Mary Lyon pour ce super super groupe de rock progressif, habitué bien entendu au long morceau. Ce sera Howl tout de suite, et vous écoutez Overdrive Radio Duo. We'll be right back. superbe joute instrumentale dans Transatlantique pour Hal Hal. Tous les spectateurs du concert parisien ont dû se régaler, c'est moi qui vous le dis. Il est 22h passé de 22 minutes dans Overdrive et un peu partout, presque dans le monde où vous soyez, puisque vous écoutez ce soir uniquement en streaming ou alors en rediffusion podcastée. On passe au groupe Balls Out qui nous sort ce volume 2. Hot Mom, toujours très rock'n'roll avec des paroles, il faut bien le dire, assez lubriques, quelque chose de festif et de bien fait. Il faudra noter également une production super claire et super puissante qui fait plaisir à entendre. Hot Mom par Balls Out tout de suite. Yes, ce soir on passe maintenant à Camelot avec ce One More Flag in the Ground. Tout de suite, toujours emmené par le guitariste Thomas Youngblood avec ce titre bien catchy de métal mélodique. One More Flag in the Ground. Camelot, tout de suite dans Overdrive avec ce One More Flag in the Ground, des plus catchy. Et bien sûr, on pourrait regretter le départ de l'excellent chanteur, premier chanteur du groupe, ancien chanteur de Conception, Roy Kahn, mais il faut bien avouer que le chanteur qu'ils ont depuis maintenant une dizaine d'années fait magnifiquement bien le job. Solstafir, Catatonia, le 4 février prochain, c'est complet au Ninkasi KO de Lyon, au Ninkasi ou CCO. En tout cas, c'est complet. Plus une place à prendre, rien du tout. J'en aurais même pas une pour moi. Et j'avouerai que je suis un peu déçu puisque j'aurais aimé tout simplement en profiter et essayer d'y aller. Ça devrait être une excellente soirée. On va passer les deux groupes maintenant. Solstafir et Catatonia avec Solstafir déjà, avec son album Breadmin paru en 2017, très bon album sur lequel on retrouve vraiment toute la panoplie du groupe islandais. Et ensuite ce sera un petit extrait du dernier album de Catatonia qui fait vraiment beaucoup parler de lui, une excellente nouveauté. On passera le morceau Atrium dans Overdrive pour préparer cette excellente soirée du 4 février à Lyon. Et que des concerts fassent complet, même si on n'a pas de place, ça fait quand même plaisir. Ça prouve qu'il qu'il y a quand même toujours un public qui se déplace pour les événements en direct. Voilà. Sol Staffir. Vous écoutez toujours Overdrive Radio Duo. Thank you. Yes. Et comme je le disais, on en a, sans transition, on enchaîne avec le dernier album de Catatonia, Sky Void of Stars, que vous retrouverez en compagnie de Solstafir le 4 février prochain sur Lyon. I thought things would take off, but they cooled down. Your voice on the phone, I hear traffic behind. Violent rain outside. Ok, vous venez d'entendre Catatonia avec Sky Void of Stars. Catatonia, quel groupe, quelle carrière, bien sûr, parler de partir de choses très extrêmes pour partir vers des choses très éthérées au fur et à mesure des années et toujours avoir à la fois cette évolution et puis cette identité qui reste malgré tout présente. Là aussi, très bon album de l'année 2022. J'ai envie d'en repasser un peu pour me faire plaisir, il faut bien le dire. Mais bon, c'est quand même mon émission, donc on va s'en mettre un. Et puis je pense que personne ne m'en voudra. Ce sera le dernier Megadeth, The Sick, The Dying and The Dead. Et Megadeth, le père Mustaine est de retour. On envoie ça tout de suite avec We'll Be Back. We'll be right back. Il l'a promis, il sera de retour, Dave Mustaine, avec ce We'll Be Back, extrait du dernier album de Megadeth. On va passer à un style viking maintenant, ça s'appelle Crom, ça s'appelle The Era of Darkness. Bien sûr, des influences de true metal, avec une influence également un peu death, pas mal du tout, on s'en voit ça tout de suite. Crom, The Era of Darkness. Thank you. Yes, Chrom, tout de suite pour les amateurs de Conan, bien entendu maintenant, sorti aujourd'hui même le 20 janvier, ce sera Northern Lights, un groupe fondé pendant le confinement 2020, d'influence metalcore, As I Lay Dying, Killswitch Engage et autres. While She Sleeps n'ont plus de secret pour eux. Et puis également, ils ont déjà fait quand même de bonnes premières parties de groupes comme Kadinja ou alors Mass Hysteria. Ils nous sortent cette EP 5 titres de métal très moderne. Ils avaient déjà fait voilà aussi des petits singles précédemment. Et on s'envoie ça tout de suite sur ce 5 titres, Oracle par Northern Lights. Ce sera le morceau Judgment. Northern Lights, vous écoutez toujours Overdrive, il est 22h passé de 37 minutes maintenant. On va passer au roi du death metal suédois, Obituary, nous reviennent avec leur dernier album. Ça s'appelle Dying of Everything, ça vient de voir le jour sur Relapse Records. Les critiques disent qu'il s'agit d'un très bon cru pour ce Obituary qui est quand même plutôt en forme les frères Tardy sont plutôt en forme depuis quelques années. Ils nous reviennent là avec un disque bien sûr qui ne brille pas par son originalité et la nouveauté, mais plutôt par, on va dire, la qualité de sa production et puis de son énergie. On retrouve notamment des morceaux un petit peu mid-tempo et lent, comme ils avaient fait un peu au milieu des années 90, toujours avec ce son très caractéristique de Obituary, Dying of Everything. Yes, Obituary, bien entendu, un groupe floridien et non pas suédois, comme je l'ai dit bêtement avant le morceau. Excellent dernier album, Dying of Everything, qui voit le jour sur Relapse Records. Une influence peut-être des, on va dire, mid-tempo de l'album Cause of Death. Un album d'ailleurs qu'ils ont joué en live en intégralité, qu'ils ont sorti. Ils ont sorti récemment, on en avait passé dans l'émission, en CD. Et tout comme le premier album, Slowly Rewrote, qui a lui aussi eu sa version live, publiée il y a de ça quelques mois, uniquement du death metal, plutôt deathcore maintenant, avec Spirit World et ce death western qu'on envoie tout de suite pour la dernière ligne droite de l'émission. Voilà, pour Spirit World Death Western, on va quasiment terminer l'émission Overdrive de ce soir avec Death Reich qui nous a sorti ce Final Plague, la dernière peste. C'était peut-être le Covid ou je sais pas quoi. Death Reich sorti sur Non Serviam Records, du death presque black, assez rapide et avec un son assez poisseux, il faut bien l'avouer. Voilà, on va terminer l'émission ce soir au son du dernier album du groupe Skald pour les amateurs de musique typique folklorique nordique qui nous sortent aujourd'hui même ce Uldu Folk tout de suite, des instruments traditionnels. Le groupe a pas mal de succès et c'est amplement mérité. Si vous aimez la musique traditionnelle nordique, ruez-vous sur Skald. L'album est encore une fois très bon. On se dit à la semaine prochaine, même heure, même fréquence sur le www.radioduo.org et puis le www.facebook.com. / Overdrive Radio Duo pour retrouver toutes les nouvelles des émissions et également la plateforme Mixcloud sur laquelle vous retrouverez les podcasts des émissions. Voilà, merci, ciao, bye bye. Thank you. Voilà quel est fait qu'il se satisfure mort. Sauvain taran donne nos parents, mon fils, mais voilà quel est fait qu'il se satisfure mort.